بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 1 dans une nouvelle section du livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. C'est Qism Al-Jinayat, Kitab Al-Qisas Wal-Jinayat, c'est-à-dire le chapitre au sujet des règles du talion et des homicides ou des crimes. Et dans cette section du livre, il y a plusieurs sujets qui vont être traités. Et c'est des sujets qui ont rapport avec des règles, des principes de la religion, de l'islam par rapport aux crimes. Et parmi ces différentes questions, on va parler par exemple ici « Babun fi ahkam al-qatl wa anwa'ihi » c'est-à-dire yani des règles au sujet du meurtre et de ces différentes catégories, les homicides. Ensuite, « fi ahkam al-qisas » au sujet des règles qui ont rapport avec le talion. Fi ahkam al-atraf. Ahkam al-atraf, c'est-à-dire les différentes blessures qui peuvent être causées dans les différents membres du corps ou les différentes parties du corps et la règle du talion par rapport à ça. Ensuite, fi al-qisas min al-jama'ati lil-wahid, c'est-à-dire quand il y a une application du talion pour un individu qui a été la victime d'un groupe de personnes. Lorsque le coupable n'est pas une seule personne, mais un groupe de personnes, et que la victime, elle a été attaquée par ce groupe, ou qu'elle a été tuée par un groupe, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là par rapport à la règle, aux règles du talion? L'autre chapitre qui suit, c'est « Fi ahkam diyat », c'est-à-dire les règles qui ont rapport avec le prix du sang de la personne, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a été tué, et donc les coupables du meurtre doivent payer le prix du sang de la victime. Et un autre exemple aussi, l'autre chapitre ensuite, c'est Babun fi maqadir diyat, c'est-à-dire les valeurs ou les proportions du prix du sang. Donc, il y a différentes valeurs par rapport aux différentes situations et aux différents cas. Donc, on va parler des détails par rapport à ce sujet-là. Aussi, babun fi diyat al-a'da wal-manafi', c'est quoi le prix du sang, non pas pour la vie complète d'une personne, mais pour les membres. Par exemple, si quelqu'un il a fait perdre à quelqu'un un de ses yeux, il lui a crevé un œil, ou par exemple il lui a cassé un bras, ou lui a coupé un bras ou une jambe ou quelque chose dans son corps. Donc il y a un prix pour ça. Donc c'est quoi par rapport à la dia de ses différents membres? Également fi ahkam ash-shijaj wa kasr al-idham, c'est-à-dire par rapport aux blessures et aux bris des os, les os brisés, des choses comme ça. Ensuite, fi kafarat al-qatl, l'expiation qui doit être donnée pour le meurtre. Et le dernier point, ou la dernière section, c'est fi ahkam al-qasam. Donc tout ça, inshallah, on va toucher à ces sujets-là. Ça, c'est le chapitre avant les peines. Avant les peines, al-hudud, les peines ou al-hudud, c'est un autre chapitre complètement différent. D'accord? Donc, étant donné qu'on n'a pas trop... Quelqu'un nous a pris le livre de la mosquée pour al-mulakhas al-fiqhi. Donc, je me base sur la copie que j'ai en PDF dans mon téléphone aujourd'hui, puisque j'ai pas la copie papier avec moi. Mais, yani, c'est la même chose, Inch'Allah. Et en même temps, on profite. on profite de la technologie d'une façon bénéfique, inshallah. Ok, on commence, inshallah. Babun, hein? Babun, bismillah. Est-ce que j'ai fait l'introduction? Oui, hein? Bon, ok. Khair, inshallah. On commence, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. أما بعد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في بيان هذا الباب نعم لشيخ الزي باب في أحكام القتل وأنواعه باب c'est-à-dire un chapitre au sujet des règles qui ont rapport avec le meurtre ou l'homicide et ses différentes catégories. Le cheikh il explique ce sujet et ça c'est un sujet qui est extrêmement important et ce chapitre-là, il est très important. D'une certaine façon, c'est bien de, pour nous de connaître et de comprendre ça. Parce que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une religion qui est complète. Ce n'est pas une religion dans le sens des chrétiens, hein, une religion qui est uniquement reliée à la prière et l'adoration. Yarhamukallah. Hein? La prière et l'adoration, c'est sûr que ces choses-là sont parmi les fondements de la religion. L'adoration, c'est le cœur de la religion. Parce que le but pour lequel Allah nous a créés, c'est l'adoration. Sauf que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui est restreint uniquement à la prière, comme certaines personnes, y compris les chrétiens par exemple, l'ont compris en général. Ils pensent que l'adoration, ça se limite à ça. Donc, en réalité, dans l'islam, le sens de l'adoration est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et ça comprend les règles de la vie. Hein? Et dans la religion de l'islam, il n'y a pas cette séparation entre le politique, le social, le juridique et l'économie. Hein? Tout ça, c'est relié à la religion dans l'islam. D'accord? Et il n'y a pas donc dans l'islam de place pour cette idée que les koufars ont inventée qui est la laïcité. Le but de la laïcité, en réalité, c'est d'opposer la religion. De rejeter la loi de Dieu, la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le seul but de la laïcité en réalité, d'opposer Allah. Et que l'être humain invente des lois pour suivre ses désirs et ses passions. Hein, et opposer ce que Allah a révélé. Donc le seul but de la laïcité, c'est ça. Alors qu'en islam, il y a des règles et des principes qui ont été révélés par le Créateur des cieux et de la terre pour apprendre à l'être humain comment vivre et comment gérer les problèmes. Hein? Parce que l'être humain, de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et lui a donné une capacité, lui a donné une liberté hein, dans sa façon d'agir. Il a un libre arbitre, comme on dit. Et il peut choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance. Et par conséquent, c'est sûr que le musulman qui est croyant et que sa foi est forte, eh bien sa foi va l'empêcher ou le retenir de tomber dans les crimes et les péchés. Parce qu'il se souvient et il se rappelle qu'il a un créateur qui le surveille, qui le regarde et qui va lui demander des comptes au jour de la résurrection pour ses actions et ses paroles. Donc, il s'abstient de désobéir et de faire des péchés. Mais ça ne veut pas dire que le croyant est infaillible ou parfait. Hein? C'est-à-dire que le croyant, malgré qu'il a la foi en Allah, ça peut arriver que sa foi soit plus faible à certains moments qu'à d'autres. Ça peut arriver que parfois ses passions et ses désirs ou sa colère fasse qu'il dépasse les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qu'il commette des crimes et des péchés, non seulement envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers lui-même, mais également envers d'autres personnes. Hein? Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des règles et des punitions qui soit établi pour faire en sorte que les hommes se retiennent et restent dans les limites de ce que Allah a légiféré et qu'est-ce qu'il a ordonné. Donc, si c'était juste uniquement de dire que l'être humain doit s'en tenir uniquement à sa foi pour contrôler ses actions et que on va se limiter uniquement à sa bonne volonté ou à son honnêteté, on ne peut pas, dans ce cas-là, se fier uniquement à ça, puisqu'on sait que parmi les êtres humains, il y en a qui ne sont pas croyants. Parmi les êtres humains, il y en a qui sont des munafiqin. Parmi les êtres humains, il y en a qui sont des pécheurs. Parmi les êtres humains, il y en a qui sont des croyants, mais qui ont une foi faible, qui peuvent parfois succomber ou tomber dans le péché. Et comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit dans une parole qui est célèbre à son sujet, que il a dit, et si je me souviens bien, il disait « Inna Allah yada'u bis-sultan ma la yada'u bil-Qur'an » ou kama qal. C'est-à-dire que yani Allah subhanahu wa ta'ala, il établit ou il place comme règle le dirigeant hein, lorsque ça ne peut pas être établi par le Coran. Dans le sens que parfois, les croyants, c'est-à-dire le croyant, lui, le Coran et les ordres d'Allah et les menaces du châtiment d'Allah, ça suffit aux croyants pour qu'ils s'abstiennent de désobéir à Allah. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Hein? Alors, le dirigeant va être là pour justement mettre ou garder aux aguets ceux qui font partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire ceux qui ont une foi qui n'est pas assez forte pour les empêcher de transgresser les limites d'Allah, eh bien le dirigeant, il est là pour s'occuper de cette catégorie de personnes et pour faire en sorte que il reste dans les limites de ce que Allah a légiféré et pour préserver en même temps les êtres humains et la sécurité et la société et pour faire en sorte que il y ait une justice hein, qui soit établie dans ce bas monde. Parce que même si la justice qui est établie dans ce bas monde, elle n'est pas parfaite à 100%, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas faire d'efforts pour essayer de s'y approcher le plus possible. D'accord? Et donc, wa'alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, on va parler du sujet maintenant, aujourd'hui. Et le cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il rentre donc dans ce sujet-là et il explique et il dit وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض وقد عقد الفقهاء للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il commence en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il a défini ou les fuqaha ont défini yani al-jinayat comme étant premièrement que Allah leur fasse miséricorde comme étant le pluriel du mot jinaya. Donc, le mot « jinayat », c'est le pluriel du mot « jinaya ». Et « jinaya », qu'est-ce que ça signifie linguistiquement? Ça signifie toute agression ou transgression qui est faite au corps d'une personne ou contre ses biens ou contre son honneur. D'accord? Toute transgression qui est faite contre une personne contre ses biens ou contre son honneur. Attendez juste un instant. Naam. Donc, ça c'est la définition linguistique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Transgression qui est faite contre le corps d'une personne, contre ses biens ou contre son honneur. Et pour ce qui est de la première catégorie, c'est-à-dire la transgression qui est faite contre le corps d'une personne, les ulama ont établi ce chapitre qu'on appelle le chapitre des jinayat, c'est-à-dire les crimes. Donc, en ce qui concerne les transgressions contre le corps, les ulama ils ont établi ces chapitres qu'on appelle chapitre des jinayat, c'est-à-dire les homicides, hein, les crimes. Et il dit pour les deuxièmes, la deuxième et la troisième catégorie, c'est-à-dire ce qui a rapport avec les biens, la transgression contre les biens et la transgression contre l'honneur, hein, il y a d'autres chapitres qui ont été établis qui est dans la catégorie des hudoud, les peines. Donc, quand c'est une transgression contre les biens d'une personne, ça s'appelle soit as-sariqa, hein, le vol, ou al-nahb, ou al-ghasb, ou il y a différentes catégories de vol, différentes catégories. Soit que c'est un bien qui est usurpé ou pris par force, ou cambriolé, volé. Ça peut prendre différentes formes. C'est-à-dire, quelqu'un qui rentre chez toi et qui vient prendre tes biens pendant que tu es absent ou pendant que tu dors et qui sort avec ou qui rentre dans le magasin où tu as mis tes produits, il rentre et il prend tes biens et il sort avec. Alors que tu les as bien fermés, bien protégés et tout, ça c'est une sorte de vol, hein. Mais quelqu'un, par exemple, qui vient dans la rue et qui te pointe une arme puis qui dit « Donne-moi ton argent », ça c'est une sorte de vol, mais c'est une autre catégorie, hein. Donc, chaque catégorie, elle a un nom spécifique. D'accord? Naam. Ensuite, le cheikh, il dit « Wa ta'addi 'ala al-badan huwa ma yujibu qisasan aw malan aw kaffara ». Donc il dit en ce qui concerne les transgressions contre le corps, c'est ce qui exige de la part de la personne qui est coupable ou qui a commis le crime, soit qisas, ça veut dire qu'il va être qu'il va on va appliquer sur lui le talion, c'est-à-dire que si il a tué quelqu'un, eh bien, dans ce cas-là, il va devoir être tué, hein? Ou bien, il aura aussi à donner un bien ou une sorte un prix. Hein? Il devra payer quelque chose. C'est ce qu'on appelle la dia, hein, par exemple. Ou bien, et une expiation, hein? Une expiation pour yani, réparer cette erreur-là. Ou ce crime-là qui a été fait. Donc, soit le qisas, soit la dia, ou soit une kafara. Ensuite, le cheikh, il dit, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَدَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, le cheikh, il explique que les musulmans sont tous d'accord. Et quand on dit les musulmans, c'est-à-dire toute la Ummah, les Sahaba et tous les musulmans, tous les ulama, ils sont tous d'accord. Il y a un ijma, un consensus sur le fait que le crime ou le meurtre est interdit. Et quand on dit ici le meurtre, c'est-à-dire tout le fait de prendre la vie de quelqu'un de manière injuste, hein, ça c'est un crime, c'est interdit. Prendre la vie de quelqu'un de manière injuste, pourquoi on dit de manière injuste? Parce que dans certains cas, le fait de prendre la vie de quelqu'un, ce n'est pas injuste. Parfois, c'est juste. Comme par exemple, lorsqu'on va appliquer la peine du talion sur quelqu'un qui a tué une autre personne, ou quelqu'un qui a été coupable, par exemple, d'adultère, il va recevoir la peine de la lapidation, hein? Ou bien par rapport à quelqu'un qui est venu pour te tuer ou t'attaquer, puis toi tu te défends par légitime défense, tu vas tuer la personne. Dans ce cas-là, c'est pas de prendre la vie de quelqu'un de manière injuste, hein? Sinon, dans ce cas-là, personne n'aurait d'excuses dans aucun cas, hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien spécifié ça. De même que quelqu'un, par exemple, qui est dans la guerre et qui combat les ennemis, hein, eh bien, quand il combat ses ennemis, c'est sûr qu'il va tuer d'autres combattants qui combattent contre lui dans la guerre. Donc, ça ne fait pas partie de tuer injustement si le combat est légitime, hein, si le combat est légitime et qu'il a été établi de manière légitime. D'accord? Et les preuves que de tuer est interdit dans l'islam sont établies dans le Coran et dans la Sunna. Et l'interdiction de tuer, c'est pas comme certains koufars qui essaient de déformer la réalité de l'islam. Parfois, ils essaient de faire croire que dans l'islam, les musulmans, ils sont pour le fait de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et on entend ça souvent dans les médias de la part des koufars qui détestent l'islam. Il y en a certains, ils les appellent des islamophobes, donc d'autres les appellent par d'autres termes. Mais il y en a, l'important, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui parlent à propos de l'islam de manière incorrecte, qui disent des informations ou des choses qui sont erronées, et soit intentionnellement ou soit par ignorance. Mais dans tous les cas, lorsqu'ils prétendent que l'islam enseigne de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans, ça c'est de l'ignorance, hein, c'est de l'égarement et c'est un mensonge. Puisque l'islam protège la vie de toute personne qui est, comme on va l'expliquer, tous ceux qui sont parmi les non-musulmans qui ne sont pas en guerre. Hein? Et tous ceux parmi les musulmans, même parmi ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire s'il y a un pays qui est en guerre contre un pays musulman, eh bien, c'est uniquement les combattants de ces peuples-là qui sont combattus. Les vieillards, les femmes et les enfants ne font pas partie de ceux que les musulmans ont le droit de combattre, hein? À moins qu'ils soient des combattants eux-mêmes, hein? Mais sinon, on n'a pas le droit de porter atteinte à leur vie. Et c'est pour ça que l'islam condamne. Qu'est-ce que certains musulmans font au nom de l'islam et qui est complètement inapproprié et injustifié, c'est de faire des actes de terrorisme. Hein? Parce que les actes de terrorisme, c'est des actes qui sont sauvages et qui ne distinguent pas entre les victimes. Hein? Ils ne distinguent pas entre les victimes. Et qui fait parfois aussi autant de victimes parmi les alliés que les ennemis, hein? Et qui ne fait pas de distinction entre les innocents et les civils et les non-civils. Et donc, ce moyen de faire du tort aux autres n'est pas permis et n'est pas acceptable en islam, hein? Et donc, l'islam a rendu sacré la vie des croyants et la vie des non-croyants qui sont sous cette entente de paix, hein, et qui sont protégés par les ententes et les pactes et les trêves, hein, et ainsi de suite, des non-musulmans, de ces non-musulmans-là. Et leur vie et leur sang est sacré également. Bon, ça, on va y arriver. Parmi les preuves dans le Coran qui montrent qu'il n'est pas permis de tuer ou de commettre un meurtre, c'est le verset 151 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wala taqtulun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Hein? Donc, ce qui signifie: ne prenez pas la vie. Hein? Ne prenez pas la vie ou l'âme que Allah a rendue sacrée, excepté pour un droit. Hein? Et ça, c'est extrêmement précis. Et c'est ce qui fait la grandeur et la force de l'islam. C'est justement que les règles qui ont été révélées dans le Coran à propos de ces sujets-là sont extrêmement claires et détaillées. Hein? Si, par exemple, tu regardes, par exemple, dans la Bible, des Juifs et des chrétiens, quand c'est écrit « tu ne tueras point », ça, c'est un des 10 commandements. Et dans l'islam aussi, ça fait partie des 10 commandements, puisque dans ce verset, dans Sourate Al-An'am, le 151, c'est justement une énumération des commandements, de ces commandements-là. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Donc tout ça c'est des, ça fait partie des commandements. Dit au Mohammed, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, c'est-à-dire ne faites pas d'idolâtrie, n'adorez pas d'autres avec Allah, ne prenez pas des, ne donnez pas à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Donc ça, c'est l'interdiction du shirk. Ensuite, l'autre commandement est soyez bons envers père et mère. Hein? Ne tuez pas vos enfants par cause de pauvreté. Hein? Ça aussi, ça fait partie des interdictions. Et il dit, nous vous nourrissons tout comme vos enfants. Hein? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manquer d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala va vous nourrir ainsi que eux. Et ensuite, et n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Des turpitudes comme la fornication, l'adultère, la sodomie, des choses comme ça. Ne tuez pas hein, ne tuez qu'en toute justice la vie que Allah a rendue sacrée. Hein? C'est-à-dire que on n'a pas le droit de prendre une vie, puisque les vies sont sacrées, excepté pour un droit ou pour une justice quelconque. Hein? Et ça, c'est très précis, parce que quand tu regardes dans la Bible, par exemple, quand c'est écrit « tu ne tueras point », eh bien ça, ça donne l'impression aux gens que de façon absolue et générale, il est interdit de tuer en tous les cas. Hein? Or, dans la réalité, on sait que c'est faux, puisque dans la Torah, hein, même dans les livres dans lesquels on a mentionné l'interdiction de tuer, il y a l'ordre d'exécuter ceux qui tuent, hein, une vie pour une vie, et il y a également l'ordre de lapider les gens qui commettent l'adultère. Hein? Donc ça, c'est un autre exemple. Et il y a également les ordres du djihad et de la guerre dans la Torah aussi, qui ordonne dans ces cas-là qu'il est permis de prendre la vie. Dans ces cas-là, donc, c'est la preuve que cette interdiction, elle n'est pas absolue. Hein? Et c'est pour ça que je dis que c'est plus précis, parce que ici, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il y a des cas d'exception, et les cas d'exception, c'est hein, lorsque c'est fait en toute justice. Naam. Attends. Naam. Après le cheikh, il dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والأحاديث بمعناه كثيرة. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le sang d'un musulman qui dit la ilaha illallah, qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, donc il dit la ilaha illallah et qui témoigne que je suis le messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il dit Muhammad Rasulullah, hein, et bien son sang est sacré, il n'est pas licite. Hein? Son sang n'est pas licite, excepté pour une des trois choses suivantes. Et la première de ces trois choses, c'est quoi? Al-thayyibuzani. C'est-à-dire la personne qui commet l'adultère, c'est-à-dire qui est mariée, puis qui va faire d'autres rapports en dehors du mariage avec une autre femme. Ou al-nafsu bin-nafs. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a tué il a tué une âme, il a tué une vie, alors dans ce cas-là, c'est sa vie à lui qui va être prise également. Donc, une vie pour une vie. Et at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a, c'est-à-dire celui qui délaisse sa religion, qui abandonne sa religion et qui divise la jama'a. Donc, celui-là, hein, le dirigeant établit la peine sur lui, eh bien dans ce cas-là, ça c'est la preuve que sa vie aura été prise de façon juste et avec un droit. Hein? Il dit « فَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا عُدْوَانًا فقد توعده الله تعالى بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc il dit que tandis que le musulman qui tue un autre musulman par transgression ou par agression, hein, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé d'une menace extrêmement sévère et il a dit dans le verset 93 dans Sourate An-Nisa à ce sujet, hein, et c'est le verset 93, quiconque tue intentionnellement un croyant, hein, c'est-à-dire comme on dit un meurtre ou un homicide volontaire, hein, il tue un croyant volontairement, eh bien sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc ça c'est la menace qui attend le coupable de meurtre ou le tueur. Ça, c'est son châtiment dans l'au-delà. Mais les règles de la religion musulmane ne sont pas limitées uniquement à qu'est-ce que quelqu'un aura comme châtiment dans l'au-delà. Hein? Il y a aussi un châtiment dans cette vie d'ici-bas pour celui qui commet ce genre de crime-là. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait légaliser tous les crimes. Hein? Ça veut dire qu'il faudrait légaliser tous les crimes et puis dire... c'est Dieu qui va nous juger. Hein? Et une société ne peut pas fonctionner comme ça. Hein? Une société ne peut pas fonctionner comme ça. Les koufars, eux, ils essaient de faire comprendre que c'est comme ça qu'on devrait agir. C'est-à-dire que les musulmans devraient agir de cette manière, de dire, non, chacun devrait être laissé à sa conscience et qu'au jour de la résurrection, yani, Dieu va juger chacun selon ses actions et ses intentions, mais dans cette vie d'ici-bas, il ne faut pas qu'il y ait de punition pour ça. Oui, c'est ça. Pourquoi ils ont des prisons? Pourquoi ils ont des punitions même? Hein? Pourquoi ils ont des peines de mort même dans certains pays? Même aux États-Unis, il y a la peine de mort encore aujourd'hui. La peine de mort, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire et qui existe encore, même dans les pays soi-disant civilisés occidentaux. Qui prétendent être développés, hein, avancés. Oui, c'est ça. Bon, les erreurs, ça, c'est comme on dit, l'erreur est humaine. Mais c'est pour dire que ces choses-là, ça existe encore et ça va toujours exister puisque c'est la justice. Hein? Et comment tu veux voir, par exemple, comme je disais la dernière fois, je mentionnais l'exemple, quelqu'un qui a tué une personne, hein, et toi, tu le mets en prison. Tu vois, tu le laisses manger, dormir, boire, faire du sport. S'il est malade, il va aller être soigné. Et en même temps aussi, s'il veut faire son éducation en prison, ils vont même lui permettre de faire des études ou je ne sais pas quoi d'autre. Et ces choses-là, ce n'est pas gratuit. Hein? Même si lui, le prisonnier, il ne paye pas un sou pour ça. Hein? Il a ses repas à l'heure, hein? Il a ses traitements médicaux, tout ça, ses médicaments. Et toutes les il a un lit, des vêtements propres. Hein? Il prend il va être douché et savonné, tout ça, et puis yani, pendant ce temps-là, tout ça c'est gratuit, il n'a pas un sou à dépenser. Mais qui est-ce qui paye pour ça? Hein? C'est la société, c'est les gens, on paye avec nos taxes. Hein? Donc ça veut dire que c'est nous qui payons pour entretenir des criminels, des tueurs. Hein? Et eux, pendant ce temps-là, les victimes sont mortes. Les familles des victimes sont blessées, souffrent, hein, à cause de ça. Et il n'y a pas de justice qui a été établie. Hein? Donc, le cheikh, il va justement mentionner un point là-dessus plus tard qui est assez intéressant. Ensuite, le cheikh dit « Wa hukmuhu annahu fasiq l'irtikabihi kabiratan min kabair al-dhunub » le cheikh il explique que le jugement ou le verdict de la personne qui a commis un meurtre, il est considéré comme étant un fasiq, c'est-à-dire un pécheur, un pervers, parce qu'il a commis un péché parmi les péchés capitaux, un grand péché parmi les kaba'ir, on appelle en arabe. Il dit « Wa amruhu ila Allah, in sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lahu. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك. Donc le cheikh il dit maintenant son jugement dans cette vie d'ici-bas c'est hein, la punition qu'on a mentionnée et si il se repent pas avant de mourir, c'est-à-dire s'il a tué mais qu'il s'est pas repenti avant de mourir, qu'est-ce que c'est son verdict dans l'au-delà? C'est le verdict de Ahlus Sunnah wal Jama'a pour les gens qui ont commis des grands péchés. Contrairement aux Khawarij qui disent qu'il sera en enfer pour l'éternité, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, eux, ils disent non, il n'est pas dans l'enfer pour l'éternité. C'est-à-dire, s'il meurt sans se repentir d'avoir tué quelqu'un, si Allah veut, il peut choisir de lui pardonner et de le faire rentrer au paradis ou bien de le châtier pour un certain temps. Et la preuve de ça, c'est le verset 48 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et donc, ça veut dire que le musulman qui a commis un meurtre, il est sous la volonté d'Allah par rapport à son sort dans l'au-delà, parce que le meurtre est moindre que le shirk. C'est-à-dire, si on compare par rapport à la gravité du crime et du péché, le shirk est plus grave que le meurtre. Et donc, si le musulman meurt en ayant commis un péché qui est moindre que le shirk, par exemple le meurtre, eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Ça, c'est si il ne s'est pas repenti. Il dit, « وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتُبْ أَمَّا إِذَا تَابَ فتوبته مقبولة فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Tandis que si le croyant qui a commis le meurtre il s'est repenti, ok, eh bien ça s'il s'est repenti avant sa mort, sa repentance sera acceptée d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit hein, à mon serviteur, ô mon serviteur qui a dépassé ou qui a commis des excès envers lui-même, envers son âme, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés de celui qui se repent, même le shirk. Hein? Tandis que celui qui meurt sans se repentir, s'il a commis le shirk, il est dans l'enfer pour l'éternité. Mais si c'est un péché moindre que le shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. Et si Allah veut, il va le châtier un certain temps. Mais même s'il rentre en enfer, il ne sera pas en enfer éternellement. Il sera uniquement en enfer temporairement. Sauf que seul Allah sait la durée de temps pour laquelle il va y demeurer. Et quand on regarde par exemple le verset 93 dans Sourate An-Nisa qu'on a lu tout à l'heure, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. C'est-à-dire, et quiconque tue un croyant intentionnellement, Sa rétribution sera l'enfer. Khalidan fiha. Khalidan, en principe, c'est traduit comme étant éternellement, pour toujours. Sauf que les ulama ont expliqué que Khalidan, ça peut vouloir dire non seulement éternellement, mais ça peut aussi vouloir dire une très longue période de temps. D'accord? Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour toujours. Et d'autres ulama l'ont expliqué comme étant, yani, celui qui a tué un croyant intentionnellement et qui le rend halal, c'est-à-dire qui a considéré que de tuer était licite. Dans ce cas-là, c'est considéré comme étant un kufr majeur parce qu'il l'a il a rendu halal le meurtre. Et n'importe quel péché que tu rends halal, eh bien, c'est considéré kufr. C'est considéré comme une forme de mécréance. D'accord? Donc, si quelqu'un rend halal l'alcool, ou rend halal le porc, ou rend halal le zina, ou rend halal le meurtre, en disant, en disant, ce péché-là, ou cette chose-là, ce n'est pas un péché, ou ce n'est pas haram, on a le droit de le faire, ou il considère que c'est halal de le tuer, ça veut dire qu'il est kafir dans ce cas-là. Hein? Donc, certains ulama ont interprété ce verset-là comme étant par rapport à celui qui rend halal le fait de tuer ou de le meurtre. Sinon, si quelqu'un le commet ce péché-là en reconnaissant ou en sachant que c'est interdit, alors dans ce cas-là, il ne sera pas considéré comme étant en enfer pour l'éternité, comme on l'a expliqué. Toutefois, comme on l'a dit, si la personne elle s'est repentie, Allah va accepter sa repentance. Sauf que ça ne veut pas dire que, comme on dit, il est sorti du pétrin quand même. Parce qu'il a quand même commis un meurtre. Et on sait que les droits par rapport au péché sont plusieurs droits. Il y a le droit d'Allah et celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne. Lorsque quelqu'un se repentit, il pardonne à celui qui a commis le crime. Mais il y a aussi le droit de la victime. Hein? Et ça, si la personne, elle est morte, elle peut pas à ce moment-là excuser la personne dans cette vie d'ici-bas. Hein? Et aussi, il y a le droit des héritiers de la victime. Eux aussi, ils ont un droit. Et c'est pour ça qu'ils doivent être dédommagés. Hein? Et là, c'est là que le cheikh il explique, il dit « Lakin la yasqutu anhu haqq al-maqtoul fil akhirati bimujarrad al-tawbati bal ya'khudh al-maqtoul min hasanati al-qatil biqadri mazlamatihi ou يعطيه الله من عنده ولا يسقط حق المقتول بالقصاص لأن القصاص حق لأولياء المقتول. Donc il dit, malgré que la personne elle a été pardonnée par Allah parce qu'elle s'est repentie, si elle s'est repentie avant sa mort, Allah lui pardonne son péché, oui, sauf que il y a le droit de la victime, et ce droit là dans l'au-delà, elle ne tombe pas uniquement par sa repentance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réparation et une compensation, et cette compensation-là va être prise au jour de la résurrection par la victime pour le coupable de son meurtre ou son meurtrier. Elle va prendre dans ses hasanats la portion qui va faire en sorte que la réparation a été prise pour son injustice. Donc, c'est-à-dire que la victime, celui qui a été tué, il va aller voir son tueur et il va prendre dans ses hasanats pour mettre dans sa balance à lui, pour compenser l'injustice qu'il a subie. Ou bien Allah va lui donner de lui-même des hasanats pour compenser l'injustice qui a été commise. Hein? Allah va lui donner de lui-même, une compensation. Et il dit, mais le droit de la victime ne tombe pas par l'expiation ou par le talion. Le fait que le meurtrier a été tué par la suite ou exécuté, ce n'est pas ça qui fait tomber le droit de la victime. Parce que la victime, elle est morte. Hein? Il n'y a rien qui peut lui rendre sa vie dans cette vie d'ici-bas. Hein? Et dans l'au-delà, il va se payer par ses hasanats pour cette injustice-là. Mais le talion, en réalité, c'est pour les proches. Hein? C'est pour les proches, le talion, c'est-à-dire le fait que le tueur soit exécuté. Ça, c'est pour qui? C'est pour les proches des héritiers du mort. Hein? C'est eux. Ça, c'est leur droit à eux. Et il dit, وقال العلامة ابن القيم رحمه الله التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق للمقتول حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء باستيفاء القصاص أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عند عبده عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه. Donc il dit ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique la signification de qu'est-ce qu'on a mentionné. Il dit que après vérification, on comprend que le meurtre est relié à trois droits différents. Le premier, c'est un droit qui appartient à Allah. Le deuxième, c'est un droit qui appartient à la victime. Et le troisième, c'est le droit qui appartient au dirigeant ou bien sinon au proche du mort ou à sa famille. Et il dit, c'est-à-dire que lorsque le tueur, il s'est lui-même rendu de son plein gré et il est allé voir le dirigeant et il a admis avec remords et avec crainte d'Allah qu'il a commis ce crime et il se repent à Allah d'une repentance sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fait tomber son droit à lui par la repentance. Donc le droit d'Allah, il est réglé. Maintenant, il reste le droit des proches de la victime. Et ça, c'est soit par le fait qu'il y ait une exécution pour le tueur, parce qu'on demande que le talion soit appliqué, c'est-à-dire que la justice soit appliquée. Puisqu'il a tué, il sera exécuté. Ou il y aura une entente qui est prise, ou bien il sera pardonné complètement. Il devra payer le prix de sang, ou bien même si les proches décident de l'excuser, de lui pardonner complètement, ils peuvent, s'ils veulent, l'excuser et dire, OK, on te pardonne, tu ne vas pas être exécuté et tu ne vas même pas non plus être, on ne te demande même pas le prix de sang, Adiya non plus. Ça, c'est parmi les choses qui sont spécifiques à l'islam. Ça, tu ne trouves pas ça même chez les koufas qui prétendent à la miséricorde, dans leurs règles, dans leurs lois, tu ne trouves pas ça chez eux. Ici, si par exemple, quelqu'un a été tué et que la famille dise « on te pardonne », ils ne vont pas le laisser libre. Ils vont le mettre en prison quand même, à vie. Tandis que dans l'islam, si la personne, la famille de la victime, les héritiers de la victime l'ont pardonné et l'excusent, il ne va pas être exécuté. Donc, ils peuvent aussi même demander, ils peuvent demander le prix du sang et ils peuvent en même temps, s'ils veulent aussi, excuser la personne même de payer le prix du sang. Non, le prix du sang, il est déterminé par la charia. Dans la sunna, il y a la détermination du prix du sang pour le musulman. En principe, c'est la valeur de 100 chameaux. La valeur de 100 chameaux. Et ça, c'est une fortune. Si tu veux t'acheter un chameau, tu vas savoir combien ça coûte. Même du bétail aujourd'hui, tu vas aller acheter, ça coûte cher. Donc, la valeur de 100 chameaux, c'était une fortune à l'époque et encore aujourd'hui, c'est une fortune. Ça coûte cher. C'est comme si je te dis, tu m'achètes 4 Mercedes, 100 Mercedes. Bon, c'est peut-être moins cher que ça, mais c'est quand même un gros montant. Non, mais c'est parce que en fait, les prix des choses varient d'une époque à l'autre, mais disons que les fuqaha, eux, ils ont déterminé par rapport à ces choses-là, Yanni, comment on détermine la valeur de de la DIA aujourd'hui? C'était ça, c'est ça, c'était ça. Il n'y avait pas une plus grande richesse que ça. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur richesse, c'est des troupeaux de bêtes. Hein? Ça a de la valeur quand même. Il y a des gens, ils voient des gens qui vivent dans certains pays, là, ils n'ont pas d'argent avec eux. Hein? Si tu leur demandes, donne-moi 1 $, ils n'en ont pas. Mais ils ont des bétails, des troupeaux immenses. Ça, c'est une fortune, ça. Ça, c'est une richesse. Hein? Hein? Oui, ils font du troc. Exactement. C'est comme il disait. Qu'est-ce qu'il disait ça dans. Ils disent qu'en Nouvelle-Zélande, il y a plus de moutons que d'habitants. Non. Donc, ça veut dire que c'est des fermiers qui possèdent ça, là. C'est une richesse. Hein? C'est des gens extrêmement riches, là. De quoi? Non. Ouais, non, ils vendent partout dans le monde, là. Oui. OK. Après, le cheikh, il dit, en ce qui concerne le droit de la victime, hein, son droit, il reste, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire débourser, il va lui remplacer justement ce droit-là au jour de la résurrection de son serviteur repentant. Il va compenser pour l'injustice qu'il a commise envers la victime au jour de la résurrection, et il va réconcilier entre eux. Parce que lorsque les croyants vont rentrer au paradis, même si un a tué l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'ils rentrent au paradis, il va retirer de leur cœur toute rancune par le fait que la justice va être établie et que il y aura une compensation et une réparation des fautes qui ont été commises entre les croyants. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Hein, on retire tout ce qu'ils avaient dans le cœur comme rancune, hein, l'un envers l'autre pour les croyants. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ils seront comme des frères sur des divans accoudés face à face. Hein. Seront assis sur des divans face à face, hein, comme des frères. Ils seront comme des frères, c'est-à-dire ils n'auront aucune rancune dans le cœur l'un envers l'autre. Il n'y aura pas de haine, ni de jalousie, ni de rancœur, ni de colère, ni de malice, ni de vice, rien. Que la paix. Salam. Salam at sadr. La paix de l'âme, la paix du cœur et la paix de la langue. Aucune mauvaise parole, mauvais propos, non. Dans le paradis, ça, ces choses-là n'existent pas. Amin, amin, amin. Après, le cheikh, il explique et il dit que al-qatlu yanqasimu ila thalathati aqsam. عند أكثر أهل العلم وهي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ. Donc il explique que selon la division des ulama, le meurtre se divise en trois catégories. Le meurtre qui est volontaire, ensuite il y a le meurtre qui est semi-volontaire et il y a le meurtre qui est involontaire. Involontaire, c'est-à-dire l'erreur, hein? L'accident, comme on dit. Et il explique chaque catégorie et il donne une explication de qu'est-ce que signifie chaque catégorie. En ce qui concerne les deux catégories de volontaire et involontaire, c'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 92 et 93 dans sourate An-Nisa, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. Et l'aïa, il a قوله, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Donc, dans ces versets, 92 et 93 dans Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est que par erreur, c'est-à-dire par accident. Hein? Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, c'est-à-dire la diya, hein? À moins que celui-ci n'y renonce par charité. D'accord? Et le verset 93 par la suite, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ça, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Il dit, وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَثَبَتَ فِي السُنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِ بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه الخمسة إلا الترمذي. Ok, donc ici, le cheikh explique en ce qui concerne le meurtre qui est semi-volontaire, c'est établi par la sunna. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça dans la sharia, c'est établi dans la sunna. Et shibhul amd, semi-volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que le cheikh va le définir de toute façon plus tard, mais juste pour vous faire comprendre l'idée, qu'est-ce que c'est lorsque quelqu'un frappe ou agresse une personne avec quelque chose qui ne tue pas habituellement. Hein? Puis, la personne meurt à cause de ça. C'est ça, semi-volontaire. D'accord? C'est lorsque quelqu'un, il frappe une personne, ou il frappe une personne, ou il blesse une personne, ou transgresse contre une personne avec un objet ou avec quelque chose qui, en principe, n'est pas supposé de le tuer, d'habitude. Hein? Et que la personne, elle meurt. Donc, c'est semi-volontaire dans ce cas-là. Ça, c'est autre chose. La culpabilité, c'est autre chose. Mais là, on parle de... Yani, par exemple, si quelqu'un il prend un couteau, puis il poignarde une personne. Le couteau, c'est quelque chose qui est, en principe, utilisé pour tuer. Hein, si tu l'utilises et tu plantes ça dans le cœur de quelqu'un ou dans la poitrine, on va dire que ça, c'est intentionnel. Mais si quelqu'un, par exemple, il le plante dans la cuisse, le couteau, et que la personne, elle meurt par la suite, ça va être semi-volontaire, parce que, en principe, le fait de l'avoir piqué dans la cuisse, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Hein? Mais ça peut, des fois, être une conséquence. D'accord? Tandis que quand tu as tué quelqu'un par erreur, ça peut être que, par exemple, tu étais dans ta voiture, tu as roulé, puis sans faire exprès, tu as frappé quelqu'un, puis il est mort dans la rue. Hein? Il s'est jeté devant ta voiture, tu l'as frappé, il est mort. Donc ça, c'est pas ça, dans ce cas-là, c'est involontaire. D'accord? Ça, on va y arriver par la suite. Mais on est... Ouais, non, c'est ça. Là, on définit juste la distinction entre les catégories seulement. Les cas plus détaillés ou les cas plus précis, ça, c'est autre chose. En ce qui concerne la question du hadith, Quand le cheikh il a cité un hadith rapporté par Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqlu shibh al-amd. Ça veut dire, l'aql ici, ça veut dire la diya, hein, le prix de sang, du crime qui est semi-volontaire. Il est, yani, c'est une diya ou c'est un prix de sang qui est sévère, comme la diya pour le meurtre volontaire, ou ils disent par exemple un homicide volontaire. Donc la diya, elle est sévère aussi, comme pour le volontaire. Mais la personne qui est reconnue coupable d'un crime ou d'un homicide semi-volontaire, il ne va pas être exécuté. Il ne va pas être exécuté. Et il dit c'est parce que c'est le shaitan qui yani, pousse les gens, hein, qui met la colère ou la rage entre les gens, et c'est pour éviter justement que le sang des gens soit disons, leur vie soit prise pour des questions comme ça, par exemple, alors que à la base, ça n'a pas été causé par une arme ou par quelque chose qui tue habituellement. Mais on va donner des exemples plus spécifiques par rapport à ça plus tard. Ce hadith est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. L'autre hadith que le cheikh il a cité, c'est selon Abdullah ibn Amr. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pour la personne qui a tué une personne de façon qui est semi-intentionnelle ou semi-volontaire, par exemple, quelqu'un qui a frappé une personne avec un fouet ou avec un bâton, en principe, ça tue pas. Hein? Si c'est un petit bâton ou un fouet que la personne elle a frappé puis la personne est morte. Des fois, tu peux juste pousser quelqu'un. Hein? Juste pousser quelqu'un comme ça. Et à la base, quand tu pousses quelqu'un, ça ne le tue pas. Sauf que si la personne, elle trébuche quand tu la pousses et qu'elle frappe sa tête sur le bord du trottoir puis qu'elle se casse le cou, alors à cause de ça, elle est morte. Hein? Oui, ça c'est autre chose. Et ça fait partie des exemples que le cheikh il a mentionné pour les cas de meurtre volontaire, si, de pousser quelqu'un d'une hauteur. Hein? Si tu le jettes, par exemple, tu le pousses en bas du minbar, probablement qu'il ne va pas mourir. Mais si tu le jettes en bas du troisième étage, c'est pas pareil. Hein? Et j'écoutais une discussion avec le cheikh Ibn Uthaymeen. Il donnait le cours à ses élèves. Puis là, il disait, si tu frappes quelqu'un avec du courant 110 volts, est-ce que ça le tue ou ça le tue pas? C'est ça. Alors, il dit, il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si certains disent oui, d'autres qui disent non. Hein? Non. Là, dans ce cas-là, il dit, on retourne aux spécialistes dans ce domaine. On se réfère aux spécialistes dans le domaine et c'est eux qui vont expliquer ou clarifier si ça tue ou ça tue pas. Ça c'est dans des cas comme ça, ça peut arriver que dans les tribunaux, par exemple, on va faire venir des spécialistes dans différents domaines, soit dans les armes, soit un électricien ou quelque chose comme ça qui va venir, qui va témoigner, qui va dire ça, de tel voltage, de tel truc, oui, ça tue une personne. Dans d'autres cas, est-ce que ça tue, oui ou non? Si ça tue pas généralement, on va dire donc ça c'est semi volontaire, c'est pas mais ouais, la préméditation, comme tu dis, ça c'est al-amd, hein, c'est le fait d'avoir prémédité. Mais tout ça c'est plus tard. Le cheikh il donne des il mentionne les conditions établies pour que un crime soit considéré comme étant volontaire. Et là, il va mentionner les conditions par la suite. Donc, il mentionne par rapport à la diya pour shibh al-amd, c'est-à-dire pour le semi-intentionnel, le semi-volontaire, 40, 40 non, 100, 100 ibil, مئة من الإبل, c'est-à-dire 100 chameaux, منها 40 في بطونها أولادها. Parmi ces 100 chameaux, il y en a 40 qui doivent avoir enfanté, qui doivent avoir qui doit être comment on dit? Enceinte, on dit enceinte pour les animaux aussi. Ouais. Donc il doit y avoir 40 de ces chamelles qui sont enceintes. Une chamelle qui est enceinte, sa valeur est beaucoup plus qu'une chamelle qui n'est pas enceinte. Donc, ça veut dire à quel point la valeur, le crime est grave. OK. فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فيؤخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. Donc il dit l'homicide qui est volontaire, c'est l'homicide dans laquelle la personne a eu l'intention, hein, de tuer une personne humaine, un fils d'Adam, qui est ma'soum d'dam, c'est-à-dire qui est préservé dans son sang, dans le sens que il n'a pas lui-même mérité une autre peine préalable. Ah, barakallahu fik. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. Alors, il le tue par ce qui yaghlibu ala dhann, c'est-à-dire qui est, comment on pourrait traduire yaghlibu ala dhann, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, une grande probabilité. Yaghlibu ala dhann, c'est-à-dire, dhann, c'est quoi? C'est quand quelque chose est plus. En fait, al-dhan, ça peut être utilisé pour la certitude comme pour l'incertitude. Hein? Par exemple, dans le Coran, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un » Ça veut dire ceux qui sont certains. Et dans d'autres cas, « yadhunnun » ça veut dire qui, c'est-à-dire ils doutent. Hein, où ils pensent que c'est peu probable que. Ici, yaghlibu ala dhann, c'est-à-dire que le côté qui est plus probable, hein, le côté qui est plus probable a le dessus dans le sens que la personne a voulu le tuer et que ça va causer sa mort si tu utilises ça. C'est comme si tu tires avec une personne avec un fusil. La plus grande probabilité, c'est qu'en principe, il va mourir, hein, si tu le tues. Si tu lui tires dessus, hein? Surtout dans la tête et dans la poitrine, par exemple. En principe, il va pas vivre si tu le tires avec ça. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée du fait de tuer quelqu'un de façon intentionnelle, hein? Et volontaire. L'homicide volontaire, c'est ça. Donc il dit ici, فَنَأْخُذُ مِنْ هَذَا التَّعْرِفِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يَكُونُ عَمْدًا. Donc on va dire à propos de cette définition, par rapport à cette définition-là, qu'on va dire que si quelqu'un il a l'intention de prendre la vie d'un être humain et de le tuer avec un objet ou avec quelque chose qui en grande partie, c'est certain que si tu le frappes avec ça ou tu agis contre lui avec ça, il va mourir. Et de cette définition, on peut tirer des conditions spécifiques, les conditions spécifiques de ce qui est un meurtre volontaire. Ou un homicide volontaire. الشرط الأول وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. Première condition, la présence de l'intention de la part du tueur. C'est-à-dire qu'il voulait tuer. C'est ça, comme tu dis, la personne elle a prémédité ça. Elle voulait tuer. الشرط الثاني أن يعلم أن الشخص الذي قتل قتله Adamiyun ma'soum ad-dam. Qu'elle sache que la personne qu'elle a eu l'intention de tuer est un être humain qui ma'soum ad-dam, c'est-à-dire il n'a pas mérité aucune peine autre qui ferait en sorte qu'il aurait mérité la mort pour un autre crime quelconque. D'accord? Comme le cheikh il va l'expliquer ça plus tard. الشرط الثالث أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة سواء كان محددا أو غير محدد. Il dit, et la troisième condition, c'est que l'outil ou l'objet avec lequel il a tué la personne soit quelque chose qui puisse généralement tuer quelqu'un, peu importe que cet objet soit un objet qui est affilé ou aiguisé ou non. Comme par exemple, si quelqu'un, par exemple, il prend un marteau ou une brique, puis qu'il assomme quelqu'un sur le crâne avec, hein, ou qu'il le pousse en bas d'un immeuble, comme on a dit tout à l'heure, ça, c'est, en principe, c'est ça veut dire que la personne, elle va tuer la personne de cette façon. Hein? On a donné cet exemple. Et le cheikh, il dit, فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ شُرُوتٌ لَمْ يَكُنَ الْقَتْلُ عَمْدًا. Si une de ces conditions n'est pas présente, ou n'est pas respectée, alors ce ne sera pas considéré comme un homicide volontaire dans ce cas-là. Il dit, لِأَنَّ عَدَمَ الْقَصْدِ لَا يُوجِبُ الْقَوَدِ. Parce que l'absence d'intention n'exige pas qu'il y ait la peine de mort dans ce cas-là. S'il n'y a pas l'intention, eh bien, il n'y a pas al-qawad. Al-qawad, ça veut dire al-qisas, c'est-à-dire le talion. Hein? Il dit, وَحُصُولُ الْقَتْلِ بِمَا لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ يَكُونُ اتِّفَاقًا لِسَبَبٍ أَوْجَبَ الْمَوْتُ غَيْرُهُ. Donc, il dit, et si une des conditions présentes, on l'a dit, il n'y aura pas l'exécution de la personne, parce qu'il n'y aura pas la preuve, une de ces conditions n'est pas présente, donc il n'y a pas la preuve que la personne, ou bien plutôt on voit que la personne n'avait pas l'intention de tuer déjà, donc ça veut dire que ce n'est pas exigé dans ce cas-là qu'elle soit exécutée pour ça. Et il dit, et le fait que le meurtre ait été exécuté, ou que la personne a été tuée par quelque chose qui en général ne va pas causer la mort de la personne, ça veut dire que sa mort est une coïncidence avec l'événement. Et que la cause réelle de sa mort, c'est autre que la chose que la personne lui a faite. D'accord? C'est comme, par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un, par exemple, tu lui donnes un coup de poing dans la poitrine. OK? Puis, au même moment, il a, je ne sais pas moi, une crise cardiaque. Ou bien quelque chose, il a un problème de santé, lui, qui fait que cette personne-là, elle est très fragile, puis donc elle meurt à cause de ça. Mais pas, c'est pas à cause de qu'est-ce que tu lui as frappé qu'elle est morte. Hein. Elle est morte par une conséquence autre. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on ne va pas dire que qu'est-ce que la personne lui a fait qui a causé sa mort, puisque c'est quelque chose qui est arrivé de façon, comme on dit, par coïncidence. Donc, il a mentionné ici 9 exemples de choses qui font que quelque chose peut être un cas de meurtre ou d'homicide volontaire. Et parmi les 9 cas, vous allez les voir. On va lire les 9 cas, puis après ça, on va s'arrêter. Il dit, إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحوه وذلك من المحددات قال الموفق لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. Donc il dit que la première forme de d'homicide volontaire, c'est lorsque quelqu'un a blessé une autre personne dans son corps avec un couteau ou avec quelque chose qui est pointu, hein, ou qui est aiguisé. Et ça, il n'y a pas de divergence entre les ulama dans cet exemple-là. Un autre exemple, il dit, « Thaniya, an yaqtulahu bi muthaqqalin كبير كالحجر ونحوه فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد وإلا كان في مقتل وإلا إن كان في مقتل أو في حال ضعف في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد أو نحوه أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات مثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات. Donc il donne un autre exemple de lorsque quelqu'un tue une autre personne avec un objet lourd, comme une pierre, comme une grosse pierre. Il dit, si c'est une petite pierre, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas volontaire. Excepté si la personne, comme je disais tout à l'heure, elle est dans un état de faiblesse. Et la personne qui transgresse contre lui est très forte. Comme par exemple, la personne qui la victime, elle est malade, ou elle est petite, ou elle est très âgée, ou à cause du froid, ou de la chaleur, ou du froid, ça affecte son état. Ou que la personne a répété le coup avec la petite pierre de façon tellement nombreuse que la personne est morte. Alors dans ce cas-là, oui, ce sera volontaire. Ou bien la personne l'a tué avec quelque chose de très lourd. Comme par exemple, elle a jeté sur elle, elle a fait tomber un mur sur la personne. Ou elle a roulé sur elle avec sa voiture intentionnellement. Ou bien elle l'a jeté du haut d'un endroit élevé. Hein? Donc ça fait partie des exemples. Il dit الثالثة أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. Il dit troisième cas, si quelqu'un jette quelqu'un dans un endroit où il y a des bêtes féroces, hein? Comme par exemple, il met quelqu'un dans une cage avec un lion ou avec un tigre, hein? Donc ça, c'est pas lui qui va le tuer, mais il a causé sa mort parce qu'il l'a enfermé dans cet endroit-là. Ou bien dans un endroit où il y a un serpent venimeux, hein? Ou des choses comme ça. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il donnait l'exemple de quelqu'un qui, si tu le jettes avec un de ces animaux féroces, puis que lui, il a de l'expérience avec ces bêtes-là, puis qu'il est armé d'un épée et qu'il est capable de tuer l'animal, dans ce cas-là, ce ne sera peut-être pas intentionnel ou volontaire. Mais dans le cas où la personne qui est jetée dans cet endroit-là, il est sans défense, puis qu'il est face à cette bête-là ou cet animal-là, dans ce cas-là, oui, ce sera intentionnel, ce sera volontaire. Hein? Il dit الرابعة أن يلقيه في نار أو ماء يغرق ولا يمكنه التخلص منهما. Donc, si tu jettes quelqu'un, par exemple, dans le feu, et c'est un gros feu, pas un petit feu, si c'est un petit feu, là, tu le jettes dedans, ça ne va pas le tuer en principe. Mais si c'est un endroit où il y a un gros feu, tu jettes la personne dedans, ça, c'est certain que c'est un homicide volontaire dans ce cas-là. Ou bien dans l'eau, ou dans un liquide, ou dans quelque chose que la personne, elle risque de se noyer dedans. Hein? Et toi, tu le jettes dans ça, et tu sais que la personne ne sait pas nager, par exemple. Ça peut être, dans ce cas-là, ça peut être volontaire. Cinquième exemple, أن يخنقه بحبل أو نحوه أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك. Il dit que tu étrangles quelqu'un avec une corde ou quelque chose d'autre, ou que tu bloques sa bouche et son nez pour qu'il ne puisse plus respirer jusqu'à ce qu'il meure. L'asphyxie, hein, il a asphyxié la personne avec un oreiller ou avec quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, ça c'est exemple d'un homicide volontaire. السادسة أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب لأن هذا يقتل غالبا. Donc, il dit, si quelqu'un, il enferme une personne dans un endroit sans lui donner de rien à boire, ni rien à manger, pendant une longue période qui, en principe, tue une personne, alors dans ce cas-là, si la personne n'est pas capable de demander à manger ou à boire et qu'elle est enfermée dans cet endroit-là par cette personne-là pendant cette période-là, alors dans ce cas-là, ça c'est considéré intentionnel. Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith la personne qui avait un chat, hein, qui l'a attaché. La femme qui a attaché le chat et qui ne l'a pas laissé chasser et qui ne lui a pas donné rien à manger ni à boire jusqu'à ce que le chat meure, qu'elle est rentrée en enfer pour ça. Donc, que dire de quelqu'un qui fait ça à un être humain? C'est encore plus grave. Hein? أن يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم أن ذلك والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل. Donc, la septième exemple que le cheikh a mentionné, c'est quelqu'un qui a tué une personne avec une sorcellerie, qui tue en général. Donc, le sorcier, il sait que cette sorcellerie-là, elle tue. Donc, ça peut être un exemple. Bien entendu, les koufars, ils ne croient pas en la sorcellerie. Des fois, ils ne croient pas en ça, mais il peut y avoir des sorts comme ça. Et des fois, ça peut être avec du poison ou avec d'autres choses, que des gens ils mettent du poison dans la nourriture ou dans le breuvage ou des choses comme ça, puis la personne, elle mange ça, puis elle meurt. Ça c'est un exemple aussi de meurtre d'homicide volontaire. Al-Thamina. أن يسقيه سما بس هذا كون ديزاجتما لا يعلم به أو يخلطه بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه. Donc c'est ça, que quelqu'un il met du poison dans sa nourriture ou dans son breuvage, la personne elle le mange sans le savoir, hein? Donc ça fait partie, hein, de ça. التاسعة أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتيل فيقتلوا ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. Il dit par exemple un autre cas, et ça c'est un cas vraiment grave, c'est que des gens par exemple témoignent de quelqu'un ou témoignent contre quelqu'un en disant que par exemple il a fait un crime ou un péché qui mérite l'exécution, ou qu'il soit tué pour ce péché-là. Comme si quelqu'un il dit, par exemple, bon, lui, il a tué, ou il a volé, ou il a fait le zina, ou il a fait quelque chose. Et les témoins se mettent d'accord, puis ils mentent pour l'accuser. Après que la personne a été exécutée, ils reviennent sur leur témoignage, puis ils disent, on a menti, on a témoigné contre lui juste pour qu'il soit tué. Alors, dans ce cas-là, ils ont causé sa mort, alors ils seront exécutés aussi parce qu'ils ont témoigné de cette façon uniquement pour le faire tuer, cette personne. Donc, ça, c'est là où on est arrivé maintenant. On va s'arrêter ici. C'est ce qui clarifie donc les meurtres et les homicides volontaires. Donc, là où on est arrivé maintenant, c'est les homicides involontaires et les définitions que les ulama ont données à ce sujet-là. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours, Inch'Allah, on continuera la suite des détails et des explications de ce sujet, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.